بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ces assises qui sont des assises pour se conseiller mutuellement la vérité, l'endurance et la patience. Et ces assises sont pour attirer l'attention sur l'importance de la langue arabe, qui est la langue de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la langue du Coran, la langue du message de l'islam. Ta'alibi فعالبي في فقه اللغة أدي l'arabe est la meilleure des langues. Le fait de s'atteler à la comprendre fait partie de la religion, car c'est un outil de la science et une clé pour avoir la compréhension de la religion. Fin de citation. Shafi'i rahimahullah a dit dans son livre Risala: il incombe à tout musulman d'apprendre ce qu'il peut de la langue des Arabes pour attester avec, ni digne d'être adoré qu'Allah et Muhammad est le soumis et le messager d'Allah, et pour réciter avec le livre d'Allah et prononcer avec les invocations qui lui sont obligatoires et qui lui ont été ordonnées, telles que le takbir, le tasbih, at-tashahhud, l'attestation et autres. Fin de citation. Donc il nous apparaît clairement dans les paroles de Shafi'i rahimahullah que l'apprentissage de la langue arabe est un fondement important parmi les fondements pour connaître la religion selon ce que veut Allah et son messager. Et les preuves pour cela sont nombreuses, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et parmi les preuves dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu azza wa jal: wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira umma al-qura wa man hawlaha وَثُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Et donc, le premier verset cité ici, qui est une preuve irréfutable pour l'importance de l'arabe, dans Surat Shura, la concertation, verset 7, il est dit: ainsi, nous t'avons révélé ce Coran en langue arabe, afin que tu avertisses les habitants de la mer des cités et ceux de toutes les contrées qui l'entourent, et que tu les mettes en garde contre le châtiment du jour du rassemblement dont l'avènement ne fait aucun doute. En ce jour, les uns iront au paradis et les autres au brasier. La concertation, verset 7. Et dans l'autre verset, dans les poètes, verset 193 à 195, il est dit: Nazala bihi ar-ruh al-amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Il est dit dans ce verset, dans Sourate les Poètes, la traduction approximative nous dit ceci: il est descendu du ciel par l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, qui te l'a récité et que tu as retenu en ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en langue arabe claire. Sourate les Poètes, versets 193 à 195. Abu Hayyan Andalusi, dont son exégète du Coran intitulé Al-Bahr al-Muhit, a dit, concernant ce verset: il l'a descendu en langue arabe pour qu'il avertisse avec, car s'il l'avait descendu avec une autre langue, ils vont le délaisser à la base et diront: qu'est-ce qu'on va faire avec quelque chose qu'on ne comprend pas? Et donc il n'y aura pas d'avertissement avec. Fin de citation. C'est pour ça que dans l'autre verset, dans Sourate, les versets détaillés, il a été dit: قال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Si nous en avions fait un Coran en langue étrangère, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Comment un Coran non arabe et un messager arabe? Réponds-leur, il est pour ceux qui croient un guide et une guérison. Les versets détaillés, 44. Surat et verset détaillé et le verset 44. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a accompli la preuve contre les Arabes, car l'éclaircissement de ce que veut Allah est fait par leur langue. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son exégète, a dit, dans l'interprétation de ce verset en langue arabe claire, ce Coran que nous avons descendu sur toi avec ta langue arabe claire et complète, pour qu'il soit clair, apparent, accomplissant les preuves et montrant la voie et ne laissant aucune excuse. Fin de citation des paroles de Ibn Kathir. قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سورة إبراهيم. Et dans سورة إبراهيم verset 4, la traduction approximative nous dit ceci de ce verset. Tout messager que nous avons envoyé parlait la langue de son peuple afin qu'il leur expose une loi. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant qui fait les choses à la perfection. Subhanahu wa ta'ala. L'érudit, l'imam Sa'di rahimahullah, dans son livre, l'interprétation du Coran appelé Taysir al-Karim al-Rahman, dit concernant ce verset, ce noble verset est une preuve que les sciences de la langue qui mènent à la clarification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager alayhi salatu wasalam sont demandées et aimées par Allah. Car on ne peut arriver à connaître ce qu'il a descendu sur son messager qu'avec ses sciences, sauf si les gens ont excellé dans l'arabe au point qu'il est devenu leur nature. Dans ces cas-là, ils peuvent prendre d'Allah et de son messager comme les nobles compagnons qu'Allah les agrée. Fin de citation. Méditez la parole de Cheikh Sa'di rahimahullah. Il dit, méditez cette parole. Les sciences de la langue qui mènent à la clarification, à l'explication de la parole d'Allah et de la parole de son messager alayhi sallam sont demandées et aimées par Allah. Demandées et aimées par Allah. Et pour ce qu'Allah aime, nous devons faire tout sacrifice que nous pouvons pour l'accomplir et pour y arriver, pour l'obtenir. Que ce soit le sacrifice matériel, le sacrifice au niveau du temps. وقال سبحانه وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Donc dans sourate Al-Ahqaf verset 12, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Avant lui, c'est-à-dire avant le Coran, fut révélé le livre de Moussa comme guide et miséricorde. Et ce Coran est un livre en langue arabe confirmant les révélations précédentes destinées à avertir les transgresseurs et faire bonne annonce aux bienfaisants. Le Coran, donc, est une confirmation des messages qui l'ont précédé, dont la base c'est le monothéisme et le suivi des messagers alayhi salatu wassalam. Et vu que les messages ont été clôturés par l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam, il est obligatoire à l'humanité entière de croire en son message et de le suivre. La preuve est dans le verset, dans Sourate Saba, verset 28. قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Nous ne t'avons envoyé à l'humanité entière que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et donc cela a été résumé par l'imam Chatibi rahimahullah dans son livre l'I'tisam. Il a dit: si le messager a été envoyé à l'humanité entière, Allah veut que toutes les communautés, toutes les langues suivent la langue arabe. Et s'il en est ainsi, le livre d'Allah ne peut être compris que par la langue par laquelle il était descendu, en prenant en considération ses styles, ses expressions et ses significations. Fin de citation. Donc, et les preuves dans la sunna qui prouvent l'obligation de l'apprentissage de la langue arabe, ils sont nombreux. C'était un ou deux dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Muawiyah ibn Abi Sufyan a dit, le messager d'Allah a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. L'imam Sa'di rahimahullah, dans son livre Bahjat Quloub al-Abrar, et aussi dans, il dit, et aussi dans, aussi entre dans cela, l'apprentissage de tous les moyens qui aident à comprendre la religion, comme toutes sortes de sciences de la langue arabe. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de ses moyens et il les lui facilite. Fin de citation. Regardez cette compréhension minutieuse de cet imam, l'imam Sa'di rahimahullah, à partir du hadith. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il te dit, partant de là, l'apprentissage de tous les moyens qui vont te permettre de comprendre la religion sont obligatoires. Et il dit, toutes les sortes, les formes de matière concernant la langue arabe, la grammaire, la conjugaison, hein, le balara, etc. Et donc, et celui, et il dit, rahmatullah alayhi, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui dit bien, il lui donne ses moyens, et la compréhension de ses moyens, et il lui facilite. Allahu Akbar. Et selon Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis l'a enseigné. Hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Donc, la guider dans le Coran. Le Coran contient la synthèse du bien. C'est la source de la science du monothéisme. C'est la source de la science du suivi. Et il contient les lois de la législation, ainsi que toute forme d'exhortation. Et il contient les nouvelles de ceux qui nous ont précédés. Ainsi, et aussi la description du paradis, de l'enfer, et d'autres choses qu'on ne peut pas limiter, et on ne peut pas se passer de ce qui est contenu dans le Coran. On ne peut l'obtenir que par la connaissance de la langue du Coran. Donc le moyen par lequel on arrive à une obligation devient lui-même une obligation. Comme cela a été rapporté par les grands imams de la science, tels Imam Shafi'i, Ibn Taymiyyah et d'autres. Hein? Donc la langue arabe est une clé principale parmi les clés fondamentales pour acquérir la compréhension de cette religion. Sinon, comment on peut comprendre les sciences du hadith, la terminologie du hadith, comment on peut comprendre Usul al-Fiqh? Et ainsi de suite, toutes ces matières qui vont nous aider à être à l'aise devant la parole d'Allah et à être des demandeurs de sciences confirmées. Donc, voici les preuves dans les paroles aussi des nobles compagnons d'Allah alayhim et des savants du salaf de l'obligation de la langue arabe. Ibn Abi Shayba rahimahullah rapporte dans le Musannaf qu'Omar ibn Zayd a dit, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, a écrit à Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, ceci dit, cherche la compréhension de la sunna et cherche la compréhension de la langue arabe. Regardez, le deuxième khalif de cette communauté, il envoie à Abu Moussa al-Ash'ari qu'il a utilisé dans une autre région et il lui a dit, cherche la compréhension de la sunna et cherche la compréhension de la langue arabe. Alors que c'est un arabe. Ibn Taymiyyah rahimahullah rapporte dans Iqtida Sirat al-Mustaqim qu'Omar radiyallahu anhu arda a dit, apprenez la langue arabe car il fait partie de votre religion et apprenez les obligations, car ils font partie de votre religion. Commentant la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, Cheikh l'Islam, ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, l'ordre de Omar d'apprendre l'arabe et la législation, ceci englobe les choses dont on a besoin, car la religion englobe la compréhension des paroles et des actes. Donc la compréhension de l'arabe, c'est la voie pour comprendre ses paroles. Et la compréhension de la sunna, c'est la voie pour comprendre ses actes. Fin de citation. Regardez ces paroles qui doivent nous motiver et nous inciter à faire des efforts pour acquérir la langue du Coran. Ibn Taymiyyah rahimahullah rapporte dans l'Iqtida que Shafi'i a dit « Il incombe à tout un chacun qui peut apprendre l'arabe qu'il l'apprenne. » Il incombe à tout un chacun qui a les capacités et qui a les possibilités d'apprendre l'arabe, de l'apprendre. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans le Mjmou' Allah a descendu son livre avec la langue arabe et a envoyé avec son prophète arabe. Et il a fait de la communauté arabe la meilleure des communautés. Le fait de préserver leur emblème, c'est-à-dire la langue arabe, c'est préserver l'islam. Fin de citation. Regardez cette compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs et ces grands imams de la sunna. Et proche de cela, ce qu'a dit l'authentificateur Ahmed Shakir rahimahullah, en commentant le livre Al-Risala de l'imam Shafi'i, il dit, celui qui veut rentrer dans cette ligue musulmane, il faut, c'est-à-dire dans la communauté musulmane, il faut qu'il croie en sa religion, et suit sa législation, et prend pour voix, et prend leur voix, et apprend leur langue. Regardez, Ahmed Shakir rahimahullah, qui est un authentificateur, un homme du hadith, dit celui qui veut rentrer dans cette ligue musulmane, c'est-à-dire dans la communauté musulmane, il faut qu'il croie en sa religion, et suit sa législation, et prend leur voix, et apprend leur langue. Fin de citation. Ubay ibn Ka'b, comme cela est rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, a dit « Apprenez l'arabe comme vous apprenez le Coran. » Regardez cette importance qu'avait Salaf. Il a dit « Apprenez l'arabe comme vous apprenez le Coran. » Il est évident que l'apprentissage du Coran doit se faire d'une façon minutieuse et selon certaines règles bien précise, et pas n'importe comment. Et donc, l'arabe, de même, regardez, ce noble compagnon, qu'est-ce qu'il dit ? Apprenez l'arabe comme vous apprenez le Coran. Et dans son livre, l'Iqtida, Cheikh l'Islam, dit, la langue arabe fait partie de la religion. Sa connaissance est une obligation, car la compréhension du livre et de la sunna est une obligation. Ils ne se comprennent qu'avec la compréhension de l'arabe. Donc le moyen qui mène à une obligation devient lui-même une obligation. Fin de citation. Donc Shatib rahimahullah, dans le Mouafaqat, a dit, cette science, il a dit, rahimahullah, l'éclaircissement sur l'obligation de cette science, c'est ce qui a été cité dans le chapitre des finalités, et que la législation est arabe, et si il est arabe, ne la comprend d'une compréhension correcte que celui qui comprend l'arabe correctement. Fin de citation. Que la législation, il a dit, rahimahullah, que la législation est arabe, et si il est arabe, ne la comprend d'une compréhension correcte et saine que celui qui comprend l'arabe correctement. Fin de citation. Donc, il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane d'acquérir de la langue arabe, ce qui va lui permettre de bien appliquer la législation d'Allah au niveau du monothéisme, au niveau du suivi et de tout ce que tout musulman doit accomplir dans ces 24 heures. D'où la parole de Shafi'i rahimahullah citée auparavant. D'où la parole de Shafi'i rahimahullah, qui dit, cité auparavant, qui dit, en résumé, que l'être doit apprendre obligatoirement de l'arabe, ce qui lui permettra d'accomplir l'attestation de foi et d'accomplir les obligations individuelles. Ibn Abdul Barr rahimahullah, a dit dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, et cela est proche pour celui qui a l'amour de son apprentissage, et c'est une aide pour la science de la religion qui est la science la plus élevée et la plus méritoire avec laquelle Allah est obéi et s'adore et se loue et se remercie. Fin de citation. Regardez ce que dit Ibn Abd al-Barr. Cela est proche, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'amour de l'apprentissage de l'arabe, il va lui être facilité. Et ça va être une aide pour lui pour apprendre les sciences de la religion, qui est une science très élevée et qui a beaucoup de mérite, et avec laquelle on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et on suit son prophète et ainsi de suite. Donc, la clé de la connaissance authentique qui mène vers l'horizon de la science bénéfique et vers la compréhension saine du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension de la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alim, c'est cette langue arabe qu'Allah a choisie pour la religion avec laquelle il a clôturé tout le message. Allah a choisi les Arabes pour y lire parmi eux le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam et pour descendre avec sa langue le livre défiant l'humanité jusqu'à la fin des temps. Le Coran est un défi jusqu'à la fin des temps. Il a Allah subhanahu wa ta'ala défié avec les djinns et les humains, tous. Donc Allah a choisi les Arabes pour y lire parmi eux le dernier messager et pour descendre avec sa langue le livre défiant l'humanité jusqu'à la fin des temps et dont la lecture est une adoration. La lecture du Coran est une adoration. Les Arabes étaient les princes de l'éloquence linguistique à l'époque où le Coran est descendu, où le Coran est descendu les défier. Le Coran a défié les Arabes à pouvoir ramener ne serait-ce qu'une phrase similaire aux phrases du Coran. Et le défi est éternel, et jusqu'à nos jours, aucun humain, aucun djinn n'a pu ou peut ramener une phrase similaire à celle du Coran. Le Coran, avec lequel Allah les a défiés et défié toute l'humanité, et le djinn est descendu avec cette langue arabe. Allah, au début de 29 sourates, a cité des lettres de la langue arabe, comme Qaf, Sad, Alif Lam, Mim. Ibn Kathir, rahimahullah, dans Umda al-Tafsir, le résumé de son tafsir fait par Ahmed Shakir, rahimahullah, cite les paroles de certains savants concernant le but de ces lettres citées au début de certaines sourates. Ces lettres ont été citées au début de ces sourates pour donner une clarification sur le défait du Coran, que les créatures sont incapables de pouvoir s'y opposer par quelque chose qui lui ressemble, alors qu'il est composé de ces lettres de la langue qu'elles utilisent. Fin de citation. On remarque que toutes les sourates qui commencent avec ces lettres, le Coran est cité juste après, pour montrer son triomphe et son défait. Et cela est clair au début de 29 sourates. Cela nous prouve que selon la connaissance de la langue arabe, on arrive à connaître mieux les mérites du Coran. En connaissant mieux la langue arabe, on connaît mieux les mérites du Coran. Donc connaîtra mieux les mérites du Coran celui qui maîtrise la langue des Arabes. Méditez cela dans la vie des nobles compagnons Ridwanullah alayhim et ceux qui les ont suivis à la perfection. Comment ils sont avec le Coran et sa mise en application? Comment ils sont avec? Comment leur vie est gérée par le Coran? Donc, il n'y a aucun moyen de connaître le défi du Coran que par la maîtrise de la langue arabe et la connaissance de la situation culminant de l'éloquence des Arabes au moment de la descente du Coran. À l'époque où le Coran est descendu, les Arabes étaient au sommet de l'éloquence au niveau de leur langue. Vu que les Arabes, au milieu duquel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est apparu, étaient au sommet de l'éloquence linguistique, Allah leur a descendu le Coran ou leur langue pour les défier. Il le défie là pour l'éternité et personne ne pourra le relever. Et donc, le secret de notre liaison avec la langue arabe, c'est sa liaison avec le Coran, avec la parole d'Allah et avec la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. La da'wah vers l'apprentissage de l'arabe est une da'wa pour comprendre la parole d'Allah et pour comprendre la sunna de son messager alayhi salatu wassalam et pour comprendre l'héritage des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Donc le point de notre liaison avec la langue arabe, donc le point de notre liaison avec la langue arabe obligatoirement, son point de départ doit être la liaison avec la religion musulmane et l'héritage scientifique de celle-ci. Obligatoire. La liaison solide entre la langue arabe et l'islam se concrétise par le Coran, par les hadiths du messager alayhi salatu wassalam, qui ont élevé cette langue au sommet, et ils l'ont mis plus haut que les autres langues à travers l'histoire, jusqu'à nos jours. Donc on doit s'occuper à apprendre la langue arabe, car la majorité des erreurs dans la religion vient de la mauvaise compréhension des expressions du livre et de la sunna. Car la religion, ce n'est que le fait de se soumettre au livre, comme le veut Allah, et se soumettre à la sunna de son messager, alayhi sallam, comme le veut son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre, l'Iman, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, dit, il est obligatoire pour l'explication du Coran et du Hadith de connaître les expressions qui prouvent ce que veut Allah et comment comprendre sa parole. La connaissance de la langue arabe avec laquelle le message nous a été adressé aide à comprendre ce que veut Allah et ce que veut son messager. Il en est de même que les expressions doivent correspondre au sens, car la majorité des égarements des gens de l'innovation est arrivée du fait que les sens ne correspondent pas aux expressions. Ils donnent des significations à la parole d'Allah et de son messager selon des prétendues significations. Et cela est contraire à ce que veut Allah et son messager. Fin de citation. Et il a dit, rahimahullah, dans le jumu'a, celui qui ne connaît pas la langue qu'utilisaient les compagnons et avec laquelle le prophète s'adressait à eux, et qui ne connaît pas leurs habitudes dans la parole, il déviera les sens. Car beaucoup de gens ont grandi selon des expressions de leur peuple et leurs coutumes dans les expressions. Et puis, en trouvant face à eux ces expressions dans la parole d'Allah ou celle de son messager, ils croient que ce que son peuple utilise, c'est ça ce que veut Allah et son messager et ses compagnons. Alors que ce que veut Allah et son messager, ainsi que ses compagnons, est tout à fait autre chose. Fin de citation. Regardez ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, est très important. Il est obligatoire de comprendre la langue qu'utilisaient les compagnons, ridwanullah alayhim, et la langue avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à eux. Car la personne peut être dans un milieu arabe, mais il est habitué à des expressions qu'utilise son peuple, sa tribu, sa race et ainsi de suite. Et puis, ces expressions qui sont utilisées par son peuple, des fois ils trouvent des expressions similaires dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna, et ils croient que leur signification c'est celle qui est utilisée par son peuple. Alors que c'est complètement faux. Ça peut être complètement l'opposé. D'où l'importance à donner à la langue, à la littérature arabe et à la compréhension de celle-ci. Donc la situation de la langue arabe est particulière pour l'islam par rapport aux autres langues, car il est en liaison directe avec la parole d'Allah depuis 14 siècles, plus de 14 siècles. Et c'est avec cette langue qu'a été écrit l'énorme héritage musulman, dont le pivot principal, le Coran et la Sunna, et les attards, la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de protéger la langue arabe, car il protège sa religion, et la religion, et la langue arabe, et la langue de cette religion, protégée par Allah. Qala azza wa jal, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. La traduction approximative du sens du verset, nous avons descendu la révélation et nous la protégeons. Donc si Allah n'avait pas honoré cette langue, en descendant son livre avec et en comblant certains de ses soumis à mémoriser le Coran et à le lire matin et soir, en promettant qu'il préserve son livre, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas cela, l'arabe aurait été une langue qui ressemble au latin et aux autres langues inutilisables, et les dialectes auraient pris le dessus dans les différents pays, et elle serait éloignée de la langue originelle, comme cela est arrivé à toutes ces langues dont l'origine est le latin. D'où le secret qu'on ne peut pas comparer la langue arabe aux autres langues, car la situation des langues telles qu'elles sont parlées maintenant ne dépasse pas de siècles. Les langues actuelles ont subi des liftings, contrairement à la langue arabe qui a traversé l'histoire depuis 14 siècles, car il est lié à la parole d'Allah, et il est lié à la sunna de son prophète alayhi salam, il est lié au livre d'Allah, alors que les autres langues n'ont pas cette particularité. Et regardez, malgré l'acharnement des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'arabe, méditez ce que l'Occident, et plus particulièrement la France, le combat qu'ils ont mené contre cette langue arabe au Mali, au Maghreb. Et Allah a fait qu'une génération qui a étudié sur les bancs de l'école française sont partis au Yémen, en Égypte et ailleurs pour apprendre la langue arabe, pour apprendre les sciences de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut subhanahu wa ta'ala. Et la gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala et toute la puissance lui appartiennent. Et je termine cette série par cette conclusion. La science légiférée est une religion avec laquelle on se rapproche d'Allah. C'est un noble acte pour se rapprocher d'Allah. Les hommes de science nous ont clarifié sur ce point que cette science, celui qui veut l'apprendre, doit regarder chez qui il va l'apprendre. Car il en va d'une religion pour que la personne ne soit pas comme le bûcheron de nuit qui ramasse une vipère croyant que c'est du bois et cela peut causer sa perte. D'où l'importance de chercher et de bien vérifier chez qui on va apprendre. Il en est de même pour la science de la religion, qui mène à la compréhension de celle-ci. Il en est de même de toutes les sciences, qui mènent à la compréhension de la religion. Que ce soit l'arabe, la terminologie du hadith, au solfège, et toutes les matières qui mènent vers la compréhension de la religion doivent être prises au prix d'un salafi pur et pas au prix d'un moussafiq, que Cheikh Rabir a décrit étant pire que les Haddadi, achas min al-Haddadiya, ni chez un Haddadi, ni chez un Hajouri, ni chez les Mufarriqa d'Alger, ni chez les Ikhwan, ni chez les Tablir, ni chez les Sorori ou autres, Qutbi ou autres. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, ainsi que Cheikh Rabir et d'autres savants, orientent vers le fait que même l'arabe, on doit le prendre de quelqu'un qui est sur une aqida authentique et sur une voie authentique. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte dans l'introduction de son authentique, avec sa chaîne à Mohammed ibn Sirin, qui a dit, cette science est une religion, regardez chez qui vous prenez votre religion. Fin de citation. Et nous avons cité la règle auparavant, le moyen avec lequel on arrive à une obligation, devient lui-même une obligation. Donc, les moyens qui nous mènent à apprendre et comprendre notre religion, nous devons être minutieux dans le choix des enseignants et n'apprendre ces moyens et n'étudier ces moyens que chez ceux qui ont les capacités pour les enseigner et qui sont sur une aqida authentique et qui sont sur une voie saine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. As-salallahu al-azim, rabbal ashr al-azim, ajalna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika al-qadiru alayh, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.